Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 42. Voici mon serviteur, je le soutiendrai. Mon élu en qui s'est complu mon âme. J'ai répandu mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne fera exception de personne. Sa voix ne sera pas entendue au dehors. Il ne brisera pas un roseau froissé. Il n'éteindra pas une mèche fumante, il jugera dans la vérité. Il ne sera point triste ni précipité, jusqu'à ce qu'il établisse sur la terre la justice, et les îles attendront sa loi. Voici ce que dit le Seigneur Dieu, qui a créé les cieux et les a étendus, qui a affermi la terre et ce qui en germe, qui a donné le souffle au peuple qui est sur elle, et la respiration à ceux qui la foulent aux pieds. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, et je t'ai pris par la main, et je t'ai conservé, et je t'ai établi pour être l'alliance du peuple, la lumière des nations, afin d'ouvrir les yeux des aveugles, de retirer du cachot le captif enchaîné, du fond de leur prison ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Je suis le Seigneur, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre et la louange qui m'appartient aux images taillées au ciseau. Les premiers événements, voici qu'ils sont arrivés. J'en annonce aussi de nouveau. Avant qu'ils arrivent, je vous les ferai connaître. Chantez au Seigneur un cantique nouveau et sa louange des extrémités de la terre. Vous qui descendez sur la mer et ce qu'elle renferme, îles et vous, leurs habitants. Que le désert et ses cités se lèvent. Dans des maisons habitera Kédar. Loués, habitants de Pétra, du sommet des montagnes, ils crieront. Ils donneront au Seigneur la gloire, et ils annonceront sa louange dans les îles. Le Seigneur, comme un brave, sortira. Comme un homme qui marche au combat, il excitera le zèle. Il élèvera la voix et jettera des cris. Contre ses ennemis, il se fortifiera. Je me suis toujours tu, j'ai gardé le silence, j'ai été patient. Comme la femme en travail, je parlerai, je détruirai, j'engloutirai tout à la fois. Je rendrai désertes les montagnes et les collines, et je dessécherai leur verdure. Je changerai les fleuves en îles, et les étangs, je les tarirai. Et je conduirai les aveugles dans une voie qu'ils ne connaissent pas, et dans les sentiers qu'ils ignorent, je les ferai marcher. Je convertirai devant eux les ténèbres en lumière, et les chemins tortus en chemins droits. J'ai fait ces choses pour eux, et je ne les ai pas délaissés. Ils sont retournés en arrière, qu'ils soient entièrement couverts de confusion ceux qui se confient dans leur image taillée au ciseau, qui disent à une statue jetée en fonte, « Vous êtes nos dieux ». Sourds, écoutez, aveugles, regardez pour voir. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Et sourd, sinon celui à qui j'ai envoyé mes messagers? Qui est aveugle, sinon celui qui a été vendu? Et qui est aveugle, sinon le serviteur du Seigneur? Toi qui vois beaucoup de choses, n'observeras-tu point? Toi qui as les oreilles ouvertes, n'entendras-tu point? Et le Seigneur a voulu le sanctifier et magnifier la loi et en relever la grandeur. Mais le peuple lui-même a été pillé et ravagé. Tous sont devenus un lac pour les jeunes hommes, et au fond des prisons ils ont été cachés. Ils sont devenus la proie de l'ennemi, et il n'est personne qui les délivre. Ils ont été livrés au pillage, et il n'est personne qui dise « Rends ». Qui est celui parmi vous qui écoute cela? Qui soit attentif et ait foi aux choses futures? Qui a livré Jacob en proie et Israël à ceux qui le ravagent? N'est-ce pas le Seigneur lui-même contre qui nous avons péché? Et ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies, et ils n'ont pas écouté sa loi. Et il a lancé sur eux l'indignation de sa fureur et une forte guerre. Il a allumé un feu autour de lui, et il ne l'a pas su. Il l'a livré aux flammes, et il n'a pas compris. De la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire.